vous êtes un personnage que je qualifierais d'occulte. Et paradoxalement, vous voulez démystifier l'occulte. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait assis sur une branche, puis qui serait en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Comment expliquez-vous ça? N'y a-t-il pas un danger pour vous de vouloir démystifier l'occulte? L'occulte, c'est un concept de réalité que l'homme a au cours des âges, afin de lui permettre de toucher un peu du bas, limite de la vie. Mais dans le fond, occulte, ça n'existe pas. Donc, si vous dites occulte et démystifier, mais pas occulte, c'est parce que j'ai assez à la naissance qui, dans le passé, était considéré occulte, mais qui demain fera partie de la conscience normale de l'homme. Et c'est ça qui me permet d'être, comme vous dites, occulte, dans ce sens que je suis enraciné dans une conscience qui la fonde, mais à la fois capable de démystifier l'occulte, c'est-à-dire d'enlever les voiles de cette conscience qui, dans le fond, fait partie de la relation psychique d'âme. Donc, pour démystifier l'occulte et être occulte à la fois, c'est normal. Un jour, l'homme, au lieu d'être occulte, au lieu que l'on dise un jour que l'homme est occulte, on dira un jour que l'homme a une connaissance profonde, une suprasensible de l'univers. La caméra scientifique, dans sa naissance, qui a une connaissance parfaite de ses lois sur le plan, on ne dira plus qu'il est occulte, on dira que l'homme a un sage de la scientifique. Et à ce moment-là, le problème de l'occulte, ou le problème de la démystification de l'occulte, ou le problème que crée l'occulte, psychologiquement, je ne l'ai n'existera plus. Donc pour moi, je ne vois pas de problème, genre de conflit ou de contradiction dans être conscient et spécifique ce qui, pour moi, est une marque d'inscience à l'intelligence de l'homme. Alors, lorsqu'on qualifie occulte, ça correspond à notre capacité à nous de vous rejoindre sur ce plan. Dans un sens, oui, ça indique un peu une théorialité à l'accès, l'homme de l'avoir avec. Donc, pour moi, c'est normal d'être ce que vous dites occulte, mais d'un autre côté, je ne me sens pas occulte. Je sens dans ma conscience, je vais chercher dans ma science ce que j'ai de besoin pour comprendre le monde, pour comprendre les différents plans. Donc, pour moi, je ne me sens pas occulte. Je sais que je suis occulte par rapport à la majorité des idées de l'humanité. Mais seulement, je me sens occulte, je me sens intégré, à la fois dans l'invisible et dans la matérialité. Mais c'est peut-être aussi notre perception, notre perception que l'on a de vous, dans le sens qu'il y a tellement une chance de vous au niveau du schisme. C'est peut-être cet aspect psychique qui fait qu'on vous qualifie d'occulte. Oui, parce que mon expérience, disons à partir de là, lorsque j'ai connu la fusion, naturellement a transformé mon psyché, a transformé ma personnalité, a transformé mon mental, a amené ma conscience à des niveaux de réalisation qui font partie de la des structures conceptuelles. Une fois que je me suis habitué à cette conscience nouvelle, à cette intelligence qui est pas au salut, je me suis graduellement adapté à une vision des choses qui est très normale, très naturelle et qui fait partie ou fait partie de la conscience de la nouvelle humanité. C'est une forme de voir. Oui, c'est une forme de voir, parce que si on regarde la vie en dehors des structures mécanistes, si on peut interpréter le vaisseau, si on peut prévoir, c'est-à-dire aller dans le futur et aller dans le présent pour élucider l'échantillonnage, c'est normal de nous voyons considérer comme voyant. Mais encore, le mot voyant implique une certaine qualité occulte de l'esprit de l'homme, mais ça, c'est une défaillance psychologique dans notre qualité mentale exceptuelle de voir l'organisation naturelle de l'univers. Comment c'est-il que les religions ont toujours considéré l'occulte ou les sciences occultes comme un tabou définitif? Les religions ont considéré les sciences occultes comme un interdit, parce que les religions, à cause de leur fonction civilisatrice, à cause de leur fonction de guide, à cause de leur fonction de la vérité, elles devaient empêcher l'extrapolation interne ou occulte de ces individus qui avaient capacité naturelle de franchir les limites psychologiques des règles mentales historiques de l'époque. Si la religion n'avait pas eu cet interdit, nous aurions eu le monde une sorte de chemin dans ce sens, l'individu dit ou psychique ou sensible ou effectivement à cause de la nature de notre sens, à cause de notre capacité à lire l'effort du connu, jeter des idées dans une civilisation qui va sur le plan universel peut-être y recevoir. Donc c'est réellement une lutte du pouvoir. L'église ou religion travaille toujours dans les masses humaines à la conservation de leur pouvoir afin de créer une plus grande entité d'être, par exemple, diriger l'assemblée de leur connaissance mécanique ou de leur essence ésotérique ou de leur essence spirituelle. C'est là. On ne peut pas, dans les lignes de ces faits, seulement on peut reconnaître aujourd'hui que l'Église a perdu à cause de ci, essentiellement ce message ésotérique. Il y a dans, si vous prenez la chrétienté par exemple, il y a intérêt de la chrétienté, et le matériel ésotérique non plus. La preuve, c'est que l'Église, par exemple, pendant très très longtemps, a servi d'intermédiaire entre l'homme et l'invisible dans l'expression ou l'activité de l'exorcisme. Elle a eu garde contrôle ceci. Donc, il y a des prêtres qui ont été appelés à une sorte d'éducation et à une sorte d'éthologie afin d'extraire de l'homme les puissances du mal. Cette activité de l'Église était très nulle. Elle n'est peut-être pas comprise tant que nous aujourd'hui nous l'expliquons, mais essentiellement elle est occulte parce que nous étions assujettis à une potion. Devait être guéri de cette session par une méthode ecclésiastique, religieuse, qui convenait au visage occulte de l'Église. Est-ce que ce matériel est aujourd'hui dans les mains des psychanalystes? Ce matériel est placé beaucoup en les mains des psychanalystes, mais il y a aussi beaucoup de ce matériel qui est dans les mains de certains exorcistes. De l'Église continue à exorciser. Il y a des individus dans cette période du globe qui ont encore la faculté de travailler sur les dents de la sorcellerie. Il y a des individus qui travaillent dans des sphères plus avancées, tel exemple ces individus qui sont reconnus intentionnellement comme étant des artistes ou dans le village que de passer. Donc ça continue ceci. Mais effectivement, le dit, la psychanalyse a beaucoup changé ceci. C'est très important que la psychanalyse est capable de restaurer dans le monde de l'homme la science qui est perdue à cause de sa méthodologie thérapeutique, de sa théorie chimique. La psychanalyse n'est pas devenue à l'homme la conscience. L'homme est aussi à pilule. Il devient plus objectif. Donc, la psychologie n'a pas réussi à tellement exorciser, hein, mais là seulement terrasser les favoris qui l'inibulent et sans lui redonner la vigueur de part de foi. Donc, elle est encore cette psychanalyse impuissante. Mais du point de vue de la psychanalyse, ces forces-là, même pas de l'extérieur, elles sont inhérentes à l'homme. Du point de vue de la psychanalyse, les forces-là viennent de l'extérieur, elles font partie de l'homme. Et ce n'est pas. Seulement dire qu'elles font partie de l'homme ne veut pas dire non plus qu'elles font partie de l'ordre mécanique, biophysique de l'homme, ou simplement biochimique de l'homme. L'homme est un être qui est multidimensionnel, il y a de la matérialité en lui. Il y a aussi énormément de matériel, et c'est réellement l'élève de ces mondes évolués, esprits, c'est-à-dire des âmes, c'est-à-dire des entités qui ont le pouvoir de suivre à l'homme selon la condition émotive, selon la condition mentale, et dans certains cas, selon la condition purement physique de son cerveau. Par exemple, dans certains cas schizophrénie, ses forces sont capables de rendre à l'homme une désorganisation totale de son mental. Mais ce n'est pas parce que l'homme est, surtout physique, au niveau cérébral, démuni, parce qu'il y a une faille dans ses neurones, ce n'est pas parce qu'il y a une faille dans son organisation intellectuelle, que cette faille n'est pas utilisée par des forces psychanalyses, s'empêche de voir plus profondément dans la nature de la maladie mentale. Le phénomène de la voix intérieure, le phénomène de la conscience, est un phénomène d'ordre psychique, c'est-à-dire d'ordre invisible, c'est-à-dire d'ordre qui partie de l'organisation monde invisible qui sonde la nature intérieure de l'homme. Le phénomène de radio, les ondes qui partent d'une station et qui s'acheminent vers le cristal dans le radio sont des ondes qui partent du radio. Mais les psychologues, sachant croire que la radio, les ondes qui émanent de la radio, ont été manufacturées dans le radio. Les ondes des radios, très émulées, qui reçoivent des ondes d'autres plans, d'autres stations, d'autres mondes. Et lorsque la psychologie aura compris ceci, que les psychologues deviennent de plus en plus occultes, et qu'ils pourront à ce moment-là réellement démystifier la psychologie et réorganiser leur connaissance de l'homme et réellement inviter l'homme à une progression consciente, le libérant éventuellement de ses poids ou de ses, ce fardeau si vous, qui résulte de la pression de son rapport d'intelligence évolue sur d'autres dates. Alors si l'homme est réceptif à ces émissions, te parle le biais peut-être d'un sixième sens, ces émissions, est-ce que le côté est très d'autres n'étant L'homme, bon, par exemple, l'exemple de la mortalité. Une personne perd un immatériel, un être cher. À cause de sa sensibilité, elle veut communiquer à cet être cher. Elle fait l'évolution de cet être cher de l'autre côté, tout que sur les autres plans, ce qui peut être extrêmement subtil, extrêmement réel, sur l'autre plan, c'est concret. Ce qui pour l'homme est matériel sur sa planète, dans l'autre monde, le monde de l'esprit, ici l'homme intervient dans le monde pour des raisons sentimentales, pour des raisons d'amour, pour des raisons de haine, à ce moment-là, il fait face à l'évolution de ses intelligences sur ses autres. Et il se soumet à des conditions qui peuvent pour lui être néfastes, parce qu'il ouvrira ses centres, et seulement il y aura réponse entre lui et ses autres pieds. L'homme devra psychique, il développera certaines facultés, et n'étant pas suffisamment conscient, n'étant suffisamment équilibré, il pourrait s'ouvrir de ses pactes avec ses autres plans, et il peut en arriver à une sorte de débilité mentale ou à une sorte d'équilibre psychologique. Pour travailler avec, pour être en communication télépathique avec notre plan, il faut être vraiment extrêmement solide, extrêmement libre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en soi la moindre manutention de l'activité mentale par ses intelligences. Il faut que l'homme ait assez intelligent. Il faut que l'homme, dans sa propre intelligence, il soit dans son propre esprit. Quand il est dans son propre esprit, il ne peut plus être activé, il ne peut plus être lié pour autres intelligences qui peuvent, sur des plans inférieurs humains, donc bien sûr, cette situation. Mais les attributs, c'est que les manifestations de pouvoir telles que le poltergeist ou bien l'inésitement des objets, etc. Est-ce que c'est justement le résultat de ces contacts-là? Est-ce que c'est les forces intelligentes sociales sont là-dedans parce que le médium d'un canal et lui donne un pouvoir et à quelle fin ce pouvoir, à quelle fin se démontre si c'est le résultat de cette application? Ces phénomènes sont le résultat des choses de pas. Dans certains cas, d'autres cas sont des intelligences qui sont de la terre. Dans certains cas, il y a des phénomènes qui sont exposés à l'humanité pour différentes graines de conscience. Prenons par exemple le cas où ce petit garçon se voit élevé au plafond parce que mère entre à la maison le soir. Il est tenu là dans l'identité qui utilise son champ de manipulation, mais ceci fait partie de son héritage des entiers passés. Il y a des qui vivent l'expression de force psychique pour des raisons évolutives, c'est-à-dire que ce sont des âmes qui sont harmonisés avec d'autres plans d'intelligence. Nous avons par exemple le cas de la sainteté. Il y a énormément de saints qui ont manifesté sur le plan matériel le pouvoir de l'éducation, d'autres pas. Mais c'est pour être en relation avec l'activité spirituelle, ça peut être déjà d'autres plans qui convenaient à l'expérience spirituelle de ces âmes, à l'expérience spirituelle de l'Église, et ainsi de suite. L'Église catholique, malgré tous ses efforts, a en compte les aspects extraordinaires sur eux-mêmes. L'Église catholique s'agisse de réellement s'assurer que tout ceci fait partie de l'édification de l'homme. A réellement exercé au cours des siècles par ce que nous appelons en parenthèse l'imméal et le phénomène psy. Parce que les hommes, dans ce temps-là, ce qu'ils voyaient que cet homme pouvait produire après sa mort pendant sa vie, des moments qui relevaient l'œuvre de Dieu, mais à l'Église, quoi? Il est resté. Donc, tout ceci fait partie d'une plan cosmique occulte voilée qui engendre sur la Terre cette chose, cette position spirituelle de l'humanité, et avec le siècle, encore une position psychologique blanche plutôt qu'une position spirituelle. Amener ici la science s'interroger à ces domaines, à quel sens le jour puisse sortir la frontière plutôt même de sa pensée, pour entrer dans une plus beaucoup plus créative, et ainsi de suite, la faire connaître, la restreindre l'invisible matériel. On a dit que dans le Vatican, il y a une section de scientifiques qui s'intéressent à la psychologie, là, de 12 spécialistes. Et récemment, ils avaient réussi à travailler en des photographies dans le passé. Et ils auraient remonté comme ça jusqu'à la crucifixion. C'est pour nous qui sommes aussi compliqués à ce genre de recherche. Oui, le Vatican s'intéresse à la parapsychologie. Il y a, comme dit, un groupe d'individus qui travaillent dans eux-mêmes, et c'est aimable, c'est très intelligent, et ça montre que l'Église essaie de se rendre compte d'une façon plus élevée de la phénoménologie psy, afin de pouvoir prendre une façon plus scientifique entre l'invisible et le matériel. Ça fait partie de l'évolution moderne de l'Église, c'est très bien. et ce que les gens pourraient éventuellement foutre, parce que pourquoi pas, le passé c'est la mémoire, et les intelligences ou les forces sur notre propre bien projetées sur une matière primable, humaine, puisque ça fait partie de la convention, la densification de l'AC. L'AC, c'est une réalité, c'est une machine qui se projette. Ça nous est capable d'imprimer sur un film une image à l'aide de lumière. Alors, si nous pouvons la faire, nous les lampes, pourquoi des intelligences sur les plans invisibles, ils manipulent l'énergie à des niveaux beaucoup plus subtils, sont capables d'aimer sur un écran. Donc, une image du passé ou une image du futur. Vous voyez là, de sérieux résultats, par exemple. C'est mal. Bon, nous devons petit à petit commencer à renaître. Que l'invisible est plus réel que le possible. L'invisible fait partie des vertus, que des vertus psychologiques de vivant. L'invisible fait partie de puissantes intervenances dans l'homme de la matière, des forces qui sous-tendent l'idée de l'homme, qui amènent de l'homme la puissante capacité de créer une science, qui sera parfois magique dans ce sens qu'il y a contre les lois de nos sciences matérielles, qui permettra à l'homme de créer une civilisation extraordinaire. Il faut nous dégager, nous, du 20e siècle, de l'attitude de l'homme qui naît du doute, qui naît de la crainte, ou qui naît aussi de la crainte du nul. Et si nous réussissons à faire ceci, nous réussissons du même niveau. Nous en arrivons éventuellement à des de la connaissance. Nous avons besoin de connaître de cela, de comprendre, et, afin d'utiliser notre énergie interne et de la bien équilibrer avec le monde extérieur de la nature. Quelle serait votre définition de la biodignité? La biodignité, c'est l'utilisation sur la réalité de la religion sur notre plan pour des faits créatifs ou destructifs. Il a été médiumique, il a été utilisé par des fois des vibrations pour l'instruction allemande. Il a été utilisé aussi pour la réorganisation politique d'Europe. Et il a été aussi utilisé pour l'oreille dans le monde d'une faculté qui fait partie des souverains ou des supplants de l'activité occulte de certaines forces. Par contre, vous avez aussi des médiums qui sont en contact avec des formes d'intelligence très élevées, dans un moral, un type du nom d'Orbe. Qui est utilisé par les intelligences de pollution, parce qu'ils font un travail créatif et qui se sert de ce domaine, fait de véhiculer à travers par parole des informations servant à l'homme et l'humanité. Donc, le phénomène de l'humanité est un phénomène qui évoluera. Un jour vient où les hommes sont plus médiumniques. Un jour vient où les hommes seront simplement conscients, c'est-à-dire qu'ils seront ou ils pourront être en mission télépathique avec d'autres mondes, mais ils n'ont pas besoin de perdre la faculté normative de l'ego. À partir de ce moment-là, les dangers de la médiumnité sont portés et nous n'aurons plus besoin, les hommes, à ce moment-là, d'adapter à des conditions de connaissance qui sont toujours sous le protectorat de ces alliances. Un homme qui est dans son esprit, un homme qui est tiré à la conscience supramentale, à la même classe, dans les mondes invisibles, les intelligences qui sont déjà dans les mondes invisibles, mais en dehors du corps matériel. Seule l'évolution de l'esprit sans, même si la matière a la capacité de se tromper à ses intelligences, et s'il y a dans l'expression de ses intelligences, du matériel qui est conditionnel, ou du matériel doit être équivalent, lui, sur l'intérieur, il a la capacité de faire. Et c'est d'abord de cela que les hommes sont sains, et les hommes ne sont plus assujettis à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis à des conditions pensées ou à des conditions connaissances, qui sont sous le risque de détergence sur des plans supérieurs ou inférieurs, contre qui servent toujours à épiler. Je m'étais des parties qui font partie des conditions expérimentales de l'homme. Je suis un clairvoyant ou un médium comme M. Casey aux États-Unis. Est-ce que ces prédictions sont toujours exactes à 100%? Les prédictions sont exactes à 100%, soit dans la forme, mais pas nécessairement dans le temps. Oui, elles sont exactes à 100% dans le temps et dans la forme, et les prédictions de l'homme ne sont jamais exactes à la fois dans la forme et dans le temps en même temps. De quoi provient ce décalage? Le décalage provient du fait pour que l'homme, si l'homme vit la prédiction dans la forme, et qu'elle ne la vit pas le temps, c'est un certain accès d'information pour le bénéfice de l'unité. Et s'il a accès, il n'a pas accès à la forme, s'il a accès à l'information pour l'humanité. Mais si l'homme avait accès à la forme et au temps en même temps, il aurait dans le pouvoir de le message, et il crée sur terre de la conflagration, des événements, de la stupéfaction, et enfin l'humanité de progresser naturellement selon les voies d'évolution, sur leur expérience. Les gens arrêtent l'activité, telle chose que telle activité créerait telle condition, ils arrêtent telle chose que telle activité créerait telle condition. Donc il y aurait une possibilité à l'homme de vivre son expérience évolutive, et de coger en même temps l'expérience, les jours qu'il évolue. C'est l'homme qui doit avoir la forme et le temps. Il peut avoir un ou l'autre. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient la forme, mais la forme était très voilée, et ils avaient le temps, et le temps n'était pas expliqué selon une échelle de chronologie qui convient à nos calendriers. Si je parle de sept prophètes comme Jean, par exemple, on parle de la fin des temps. La fin des temps, ça peut être loin. Il y a d'autres prophètes qui avaient le temps et qui n'avaient pas la forme. Mais il n'y avait jamais les deux parfaitement ensemble. L'homme aura la forme et le temps dans sa voyance pour son évolution. Mais à ce moment-là, les hommes qui auront le temps et la forme feront partie d'une nouvelle race et la condition de l'évolution sur la Terre. C'est totalement honte. C'est-à-dire que l'humanité sera suffisamment conscientisée des événements que lorsque l'homme, prenons par exemple le nouvel initié qui viendra, lorsque le nouvel initié viendra et dira à tel point, tel jour se passe, on écoutera l'homme. Parce que l'homme prend l'homme et la forme et le temps. Et à ce moment-là, le fait de posséder la forme et le temps créera chez l'homme, chez l'humanité, une condition psychologique qui atteindra l'activité. Il y aura beaucoup plus sécure son évolution. Ce sera partie du pouvoir d'homme, ça sera partie de la condition humaine de l'homme. Parce que l'homme aura le forme et le temps dans sa vente, ce sera le niveau. Et l'évolution de la Terre sera différente. Il n'y aura plus d'air, il n'y aura plus de confrontation entre les hommes que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est ce que déjà l'on aura initié au secret de l'Église. On a toujours permis la clairvoyance était bien. Mais alors, vous me dites que la clairvoyance est bien un don, même si ne provient pas de personne, mais même ça l'est donné d'ailleurs. Oui, oui. La clairvoyance, la clairvoyance peut être un don, mais aussi elle est par deux, c'est karma. Il y a la clairvoyance, la clairvoyance est impatiente. Moi, par exemple, dans mon activité d'homme, dans ma vie, je me refuse très souvent de parler de quelque chose, de la vie, de me empêcher que personne ne verra ce qu'il va faire de l'expérience. Si je dis, mais fais pas ça, parce qu'il va se produire telle chose, et je l'évolue sur le même, j'empêche l'expérience. Donc, dans ma conscience, je ne peux pas. Là. Dans le cas de ma conscience, si il vit la clairvoyance, pour lui, c'est bien une forme. Non. Peu comme guérison. Les hommes guérissent ces karma, ils sont dû guérir toutes les autres âmes. Donc, nous avons pensé dans le passé que c'est là où les lucelles étaient également gratuits. Lorsqu'en fait, ils ne sont pas gratuits, ils nous forcent, nous, les hommes, pendant les années, souvent à traiter avec les hommes, en fonction de ça, ils nous semblent gratuits, mais qui, d'abord, nous dirigent vers le dépense d'énergie et qui aussi créent dans le psychisme, dans le métier, une grande tribulation, une grande souffrance. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre comme les autres hommes, vous aimez un peu comme un frère, vous savez. Gardez, c'est souvent fait de nos êtres ordinaires. Et moi-même, durant plusieurs années, je me suis plaint de vivre cette constante gestion magique-crétive sur le plan moral. J'aurais voulu être comme tout le monde, ça m'a pris des années, j'en arrivais à réellement parler, c'est-à-dire la contrôler ou le contrôle. Je voudrais être plus dans cette magie qui est écrite et qui n'a plus de... J'ai aussi prendre comme une guérie, comme une boucle, le fait, et muser, jouer au coup, ou jouer aux cartes comme l'homme s'amuse. Je ne veux pas toujours être plus dans cette énergie, aussitôt que j'encontre peut-être cette énergie qui défend ou qui englobe tout, parce que moi-même, je me rappelle que j'englobe cette énergie. L'esprit des gens. Il y a aussi de très grandes souffrances. Bon, dans le même concept, vit de la clairvoyance, c'est la même chose. Ces hommes souffrent. Et j'ai beaucoup de respect en hommes souffrent, ils supportent cette énergie. Mais eux, ils arriveront à plus souffrir de l'énergie, la voyance, la clairvoyance. Il y a l'horizon. Et ils ne seront plus liés qu'un pas assez. Maintenant, pour les arts divinatoires tels que les arts de tarot, l'astrologie, la boule de cristal, la radiesthésie, le pendule, est-ce qu'il y a un danger, effectivement, à pratiquer ces divinatoires? J'ai des choses. Vous parlez de l'investigation occulte. Ce que je regrette beaucoup, c'est que beaucoup de personnes de voir, ils me disent, écoutez, ça marche. Ça marche aussi, ça marche seulement. Il y a cette avance, c'est logique. Ils m'ont dit parce que ça marche, c'est véritable. Le fait que quelque chose d'occulte marche, que quelque chose d'occulte fonctionne à travers. Si, c'est ça le danger. Nous devons petit à petit prendre conscience que nous avons en nous-mêmes les facultés. Nous ne devons pas le faire dans de faire audience, de quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de à travers des systèmes mécaniques qui souvent sont utilisés par des forces des plans qui sont inférieurs pour nous mettre dans la confusion en utilisant des autres des aspects dans leur version véritable. Prenons par exemple j'adore. Vous prenez les enfants, des jeunes qui s'intéressent à ceci. Ils ont pas 15-16 ans. Ils m'ont dit si on les aimerait. Vous savez qu'est-ce que ça peut suivre la parole de l'enfant de recevoir une réponse de l'Égypte, une réponse qu'eux n'auraient pas pu répondre. Ça les stupifie. Et ça va mettre le mot dans le vent qui peut être très dangereux, il ne sait pas qui manipule cette énergie. Il ne sait pas avec qui il trafique. Il marche. Donc le dimanche, donc il s'arrête petit à petit. Vous voyez, après quelques années, ça engendrerait, et s'ils ne sont pas en communication avec des intelligences de suffisant de lieu, ou s'ils ne sont pas en communication avec le peuple, c'est lui qui peut aussi utiliser le Ouija. À ce moment-là, ils sont dans une situation de violence. Il y a des gens qui ont été totalement détournés, ont tenu contact avec des systèmes types. Parce que dans le fond, ce sont des systèmes psychologiques. Il faut faire attention à ces choses. Et comment est-ce qu'on pourrait développer ça dans ce sens-là, à ne pas justement tomber dans ce piège? Le discernement, en fait, je l'avais l'expérience. Avec l'expérience, j'ai appris aussi l'instruction qu'on peut donner en danger ces choses, que vient où les gens réalisent qu'effectivement le danger. Ce n'est pas tout d'un coup, parce que dans le fait que le mental est plutôt épaté, le stress est épaté. Il est là le danger. Ce serait là le danger. Ah oui, la fascination. Ah oui, la fascination. La fascination, c'est l'outil utilisé par ses forces. Enfin, l'homme a épaté, l'homme a été épaté de quoi que ça. À partir du moment où il se dit j'ai un certain pouvoir à ce moment-là, il tombe dans le piège. Là, très juste. Très juste. C'est aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, au départ, nous sommes dans une physique. Il y a de plus en plus de relations entre l'invisible et le matériel. Et heureusement, je suis très content de ceci. Il y a souvent un programme qui indique effectivement qu'il y a l'activité de plus en plus basse en vibration à travers les hommes. Je disais, j'écoutais un peu quelques jours aux États-Unis, dans une petite ville, toute sereine, où l'esprit est toujours extrêmement limpide, celui suit tout à coup un cancer qui rend de l'activité d'un gros céramique qui a opéré des œuvres contre les animaux déchets et effectivement, inévitablement, progressivement, contre un jeune homme où on lui a enlevé les yeux et où on l'a tué. Et si les psychologues, les psychiatres, les gouvernements, le monde sérieux, le monde qui occupe de l'ordre dans notre société difficile à mener, ne prennent pas ces choses au lieu et ne surtout pas tellement aller associer à aller avec d'autres qui peut-être ont des idées qui sont un peu plus étirées que d'autres, il s'empêche de voir le but qui marche aujourd'hui notre jeunesse à travers cette musique infernale, ces drogues et tout ce qui fait partie de la fumée de la décadence. Donc, nous sommes dans une situation à la fin du XXe siècle où l'individu le jeune, comment l'homme d'un certain âge, parce que lui a passé le cap de l'influence, puisqu'il est déjà fossilisé dans ses structures. Le jeune qui est à la recherche, qui n'est plus, qui est utilisé par ceci, ce que c'est lui, ce sens, lui doit protéger, et il peut prendre la direction. Et vous avez toute cette réalité qui vient de lui, et qui le mesmérise, et qui l'optise, et qui rend absolument piétiste à ses forces, que l'homme, encore tu comprends. Et que moi, j'essaie d'expliquer dans un format qui, pour le moment, dépasse probablement la majorité des esprits, mais qui un jour sera effectivement le dénominateur comme de conscience humaine. Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre sur ces sujets? Je commence, je suis en train d'écrire un livre que j'ai lu public américain. Un livre que j'ai en un livre que j'appelle, mais je ne veux pas dire ici parce que je ne veux pas qu'on m'identifie avec le livre. Mais c'est un livre qui, effectivement, a la fonction d'expliquer ce que nous aurions appelé entre le psy et l'homme, l'invisible et l'homme, tout ce qui est externe. Et je ne sais pas encore, je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc si je dis, ou si je dis le titre du livre, ou l'envers du livre, et que je ne sais pas ce que je vais écrire dans 3, 4, 5 chapitres, et que c'est à ce moment-là de retirer mon nom du livre et de le publier d'une façon anonyme, à ce moment-là, je mets probablement celui que je vais écrire, propre vie dans une situation difficile. Je ne veux pas ça, parce que je ne peux empêcher de continuer à écrire. Mais probablement si, après la rédaction des textes, j'ai décidé que le livre peut être publié sous mon nom ou sous un livre avec lequel je vais être identifié. À ce moment-là, je dis quel livre j'ai écrit. Et qu'en est-ce? Pourquoi l'écrivez-vous en anglais? Je l'écrivais parce que lorsque je parle en anglais, je ne parle pas, mais je parle français. C'est une autre version, parler en anglais. Donc, tu es en train de sortir du matériel qui est beaucoup plus psychologique, plus apporté d'une mentalité anglaise, dont l'activité de mal est très vaste dans l'occidental. Et quand on considère les États-Unis comme un pays qui a besoin d'énormes sports sur le plan de l'explication et l'instruction, ça me donne, en ce qui concerne les éléments futurs de l'homme, les représentants de l'homme et tous les aspects psychosociaux, psychologiques constamment en évolution et en changement, je crois que les Américains ont besoin d'être aidés parce que les Américains nous représentent un très grand peuple, un peuple qui a beaucoup de courage d'investigation intérieure et ce peuple est à mesure de ce qui va être une fonction de pensée qui est beaucoup plus avancée que la moyenne des pensées de la monde occidentale. Le peuple américain est un très grand peuple. Et lorsque je le regarde du point de vue, je le regarde du point de vue de son infrastructure ou économique. Je le regarde du point de vue classique. Et ça représente l'humanité.